parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au 500. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, hier, moi je suis excité hier, je sais pas là, gros match nul hier du Canada au Mexique hier. Écoute, moi je m'attendais, avant le match, je me disais, tu es belle de les envoyer 2 points par la poste. Puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé du tout, du tout, du tout. Hier, le Canada qui vraiment là, c'est intéressant là. Au départ, tu dis 2 points par la pousse, mais la valeur d'une victoire, c'est 3 points. Au soccer, Non, c'est mais pas comme au c'est une hockey, là. manière, c'est une Mais manière non, non, je sais de bien. Mais je veux dire, parler. c'est une belle performance d'équipe nationale. Il faut savoir, Danny, que le match était au Mexique. On avait annoncé pas de monde, mais ça avait l'air d'être plein. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y avait de monde. Stade Azteca, c'est un stade mythique, Danny, le stade Azteca. C'est là qu'il y a eu, c'est le premier stade, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais il y a eu 2 finales de la Coupe du Monde dans ce stade-là. Il y a eu en 1970, lorsque le Brésil a gagné avec Pelé, et il y a eu en 1986, lorsque Maradona a gagné avec l'Argentine. Fait que tu vois, c'est pas n'importe quel stade que le Canada a joué hier. Il faut se rappeler, Danny, que l'Impact a déjà joué là contre le Club América dans le match aller lors de la finale de la Ligue des Champions. Donc là, je voulais juste te parler du stade un petit peu, là, mais oui, super performance là, de l'équipe nationale masculine. Là. Écoute, ça c'était-tu le match où il y avait une déconfiture de l'Impact? C'était ce match-là, hein? Non, non, non, ça c'était contre le Santos Laguna. C'était au Mexique aussi. C'était un autre aspect. C'était pas dans ce stade-là. Puis dans ce temps-là, l'Impact jouait pas dans la MLS, jouait dans la ligue un petit peu USL. inférieure. Ouais. Mais je veux dire, hier, écoute, on voit que quand Alphonso Davies a le ballon au pied, il est dangereux, un excellent joueur. John Herdman, l'entraîneur canadien, le fait. Là. Au Bayern, il joue latéral gauche. Hein. Il est plus bas, il est comme défenseur. Là, il fait jouer plus haut un peu. Puis même hier, en fin de match, on voyait que Davis se tenait haut. Là. Des fois, tu peux le tenir comme attaquant. C'est vraiment dans le corridor gauche. Hein. Il est dangereux. Là. Fait que, puis il y avait un nouveau joueur, le 22, que je ne connaissais pas beaucoup non plus. Là. Alors, je crois, là, très rapide. Excellent. Ils ont une bonne équipe. Là. Jonathan David aussi, qui joue pour Lille, qui a marqué des buts la semaine dernière. En championnat de France. Là. Donc, on a une belle sélection. Là. Puis Buchanan qui joue pour New England dans la MLS, qui s'en va jouer en Belgique, je crois, après les fêtes. Donc, on a une très belle sélection. Là. OK. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Ben, Danny, le match nul de 1-1 lui permet présentement. Tantôt, tu me disais en entrée de jeu, ça va bien. Ben oui, ça va bien, mais on est en troisième position. Puis c'est On les sait quatre, que. les 3 premiers qui sont qualifiés, la quatrième, ça va d'un tir dans un autre pool. C'est ça? Ça va dans un barrage contre un autre continent. Ça veut dire que ça va être un match aller-retour. Mais là, le Canada, ça fait longtemps qu'on dit que c'est leur place, leur position au Canada, ça devrait être troisième. Mais le Honduras ont une belle sélection. Le Costa Rica, on dirait qu'ils sont un petit peu moins forts. La QV qu'ils ont pour le 14-2022, c'est peut-être un petit peu moins fort. Mais d'un match à l'autre, il n'y a rien de gagné. Ça ne veut pas dire ça, quand même, si on est troisième, on peut aller en échapper une. Là, on joue dimanche contre la Jamaïque. Il ne faut pas l'échapper. Et Jamaïque sont mercredi derniers au contre le classement. Panama. Ils sont Hein? derniers au classement, là, Oui, jamais. ils sont les derniers au classement, mais hier, contre les Américains, ça a été 0-0 longtemps. Les Américains ont remporté, je crois, 2-0 ou 2-1, là, mais ça a été 0-0 longtemps. Chaque match va être important, même le Panama qui est quatrième présentement. Donc, ça va être important contre le Panama aussi. Donc, mais le Canada a une très belle équipe. Puis, Danny, je veux te dire un autre joueur que je t'ai pas mentionné. Moi, quand j'ai vu arriver la liste des 23 du sélectionneur Hardman, j'ai vu apparaître dans la liste Charles-Andreas Brim. Charles-Andreas Brim est le jeune qui a joué avec le club de Jonquière et de Chicoutimi dans la région. Il a joué dans les U23. Rappelle-toi, au début du printemps, le Canada, dans le U23, était en qualification pour les Olympiques à Tokyo cet été. Et on a perdu en demi-finale contre le Mexique, justement. Et lui, il jouait dans l'équipe Charles-Andreas Brim. Charles-Andreas Brim, après qu'il ait passé ici dans la région, moi, je connais son père un petit peu. Il a été membre du CA pas longtemps, là, de l'ARS régionale, mais il s'est retrouvé à Montréal dans le 3A et dans les catégories supérieures. Et il s'est retrouvé avec l'Académie de l'Impact aussi. Et après ça, il est parti en Europe. Il a joué en Belgique. Et cette année, il joue aux Pays-Bas dans une deuxième division, dans un club de deuxième division aux Pays-Bas. Je suis allé voir un petit peu aujourd'hui, je suis allé fouiller sur le web. Il a marqué un but à date cette année en 4 ou 5 matchs. Et là, probablement qu'Hernan voulait le tester. Et hier, je ne m'attendais pas qu'il y ait du temps de jeu hier. Et à la 86e minute, il a embarqué. Alors, on lui a donné un 5-10 minutes de jeu. Donc, c'est même intéressant. C'est un Québécois qui est très, très méconnu, qui n'est pas connu, puis qui, en plus d'années, a joué au soccer dans notre région quand il était jeune. OK, donc Quand même. bravo, bravo. Écoute, là, Jérémy Filosa disait sur Twitter que le pire était fait. Ben, le pire était fait, Danny. Je t'en ai parlé tantôt à l'entrée de jeu. Ici, il dit que le pire était fait, c'est parce que probablement qu'on est allé jouer aux États-Unis, on a annulé 1-1, puis on est allé jouer au Mexique, on a annulé. Ça veut rien dire, ça, au match retour. Là. Ça veut pas dire qu'on va les battre, les Mexicains puis les Américains. Là. Chaque match va être important, je te l'ai dit tantôt. On a un pool à 8 équipes. OK, on a 8 équipes, 8 nations. On a 7, ils appellent ça l'Hexagone, là. Les autres, ils s'amusent à jouer avec ce nom-là. Mais moi, j'appelle ça le tour final, si tu veux. Le tour final pour Qatar 2022. On a 8 équipes. Donc, on va jouer contre les 7 autres nations, un match à la maison et un match à l'extérieur, ce qui va donner un total de 14 matchs. Là, on a match de jouer. Faut pas s'énerver, mais ça va très bien. On a des chances d'aller au Qatar pour la deuxième fois de notre histoire, l'équipe nationale masculine au Canada. OK, donc je me suis énervé un peu trop, je me suis Non, emballé. mais c'est intéressant de voir que le Canada va bien. Puis, tu en as parlé aussi, on en a parlé en entrée de jeu. Cette équipe-là est méconnue. Les Ah, médias ont écoute, encore c'est bout de le foot. incroyable, c'est ça que je C'est tant disais, que là. les. Puis le monde le savent, là. Le monde n'est pas dupe, là. Hier, l'histoire de Carey Price, c'est beau, vous avez parlé, vous avez fait le tour. J'ai fait une Maintenant, on journée, peut. là. J'ai On fait peut-tu une. penser à autre chose aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, là, c'est le tour de l'équipe nationale masculine qui Ouais. ont joué un super match au Mexique. Donc, c'est ça qu'on doit parler aujourd'hui. C'est pas d'autre chose que ça Ouais. sur la scène sportive. Mais là, c'est ça qui me tanne. Oui, Carey, hein, c'est important. Même à ça, moi, je dis que c'est même pas la grosse nouvelle, c'est que Ah. Bergevin ne reviendra pas. Mais là, t'es rendu que t'interviews tout le monde. Puis c'est. Alors que dans le fait, quand tu regardes le sport, il se passe d'autres choses, là. Mais ça, regarde, on en parle. En tout cas, Danny, à voir dimanche, un match important, Ouais, puis mercredi RDS2 prochain. encore, bravo Oui. RDS de te présenter. C'est en soirée, c'est en après-midi, c'est C'est à 19h30. 19h30, c'est au Canada, 19h30. donc ça Ouais, s'en non, va. le match est en Jamaïque. Oh, OK, en Jamaïque, Puis mercredi, on joue contre le Panama à Toronto. OK. Est-ce qu'il y aurait des matchs à Montréal, non? Ah non, Non? Montréal. Une autre affaire, Danny, c'est qu'ils dorment au gaz. Tu vois-tu la ville qui s'est. Même si ce n'était que 3, 4 matchs, on est en train de voir quelque chose d'intéressant, l'équipe nationale masculine. Ça veut dire que peut-être qu'on va se rendre au Qatar. Mais en 2026, on va être là. On va être là en 2026. Puis Montréal s'est sauvé. On refusait de présenter les Ah, matchs pour la rénovation du stade. De toute façon, il faut qu'il soit rénové pareil. Tu vois-tu comment ça dort au gaz? Faudrait quasiment appeler Denis Coderre pour lui dire de mettre ça dans son plan électoral, de non, parler de la Coupe du Monde. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun sens. mais. Ouais, mais bon, OK, on pourrait en parler. Mais on pourrait en Hey! parler longtemps, mais personne n'en parle. C'est Non, mais encore une le histoire. match aurait pu jouer à Saputo, hein? Au stade On Saputo, devrait. avec du Ben Canada. oui, c'est 20 000 personnes, mais Ben, ils disent Toronto que. va jouer au BMO Field, il jouera pas. Oui, mais je pense qu'ils ont suffisamment de. Le nombre de spectateurs, c'est plus gros que Montréal, là. Je Ouais. veux dire, on devrait créer une émission, Danny, au lieu de tout le monde en parle. Personne n'en parle. Ouais, effectivement, personne n'en parle, puis bon. OK, on va parler de la Ligue des Nations. Je sais que ça fait pas longtemps que ça existe. C'est quoi la Ligue des Nations? Je sais que la France a battu la Belgique hier 3-2. La Belgique a remonté. Il y a des matchs actuellement. J'ai eu une notification, parce que moi j'ai la notification d'RMC aussi. Oui, L'Espagne regarde, joue. Joue. Danny, la Ouais. Ligue des Nations, pour te faire une explication à ma façon, Ouais. à ma façon, à moi, c'est la deuxième édition. C'est dans le temps que Michel Platini était président de l'UEFA. Il voulait créer un genre de ligue pour que les nations de même niveau puissent se rencontrer plus souvent dans une compétition officielle. Donc, OK. exemple, les grosses nations, l'Allemagne, il y a un classement qui se fait. Il y a 4 groupes. Il y a le groupe A, B, C et D. OK? Et souvent, on va retrouver là, des équipes de même. Tu sais, quand on fait des qualifications là, pour les Coupes du Monde ou Ouais. l'Euro, on retrouve des grosses nations et des petites nations. Fait que là, les groupes de nations de même niveau se retrouvent dans le même groupe. Mais dans le groupe A, c'est les meilleures nations. Et là, on se retrouve. Il y avait 4 groupes. Dans le groupe A, il y avait 4 groupes de 3 nations. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont joué 4 matchs et le premier se retrouvait dans le Final Four, qu'on appelle. Alors, il s'est retrouvé de quatre équipes dans le groupe 1, dans le gros groupe, si tu veux, là. Il s'est retrouvé avec l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique. Ils ont OK. tous remporté leur groupe. Alors là, ils sont invités. Puis là, c'est sûr que le COVID a retardé tout ça. Et là, ils ont mélangé le calendrier avec les qualifications du Qatar 2022. Aujourd'hui, il y avait, sur le continent européen, il y avait plein de matchs là, en Europe là, pour les qualifications du Qatar. Mais les quatre nations que je t'ai nommées, eux, ont eu un break pour aller terminer cette Ligue des Nations-là. Alors, on a eu mardi le match, mercredi, c'est-à-dire, on a eu le match entre l'Italie, champion de l'Euro, et l'Espagne. C'était comme une reprise, une revanche pour les Espagnols, parce qu'on va se rappeler qu'à l'Euro, l'Italie avait battu l'Espagne, je crois, en demi-finale, là, au tir au but. Alors là, les Italiens se sont fait surprendre. On sait que les Italiens n'avaient pas perdu depuis 38 matchs. C'est un record absolu au niveau d'une sélection. Et là, bien, ils étaient dus pour en perdre une. Les Espagnols ont pris les devants 1-0. Les Italiens se sont retrouvés avec un joueur en moins, avec une expulsion, deux cartons jaunes. Et les Espagnols ont marqué un deuxième but. Victoire espagnole en fin de match de 2-1. Maintenant, ça, c'était la première demi-finale. Donc, l'Espagne se retrouve en finale ce dimanche. Hier, c'était l'autre rendez-vous, une reprise de 2018, la demi-finale France-Belgique. Les Belges voulaient prendre leur revanche et c'était bien parti C'est après la 2-0 première. Belgique, hein? Après la première demi, c'était 2-0. La France a bien joué au début, mais après ça, c'est venu 2-1, 2-2 en deuxième demi. Et là, je pense que Mbappé, là, c'était un de ses meilleurs matchs de saison avec Benzema. Alors 2-1, on va se rappeler que Mbappé avait manqué son tir de pénalité contre la Suisse cet été à l'Euro. Et bien là, à 2-1, la France a eu un pénalité. Benzema l'a pris le ballon dans ses mains, il est allé le donner à Mbappé pour lui donner de la confiance. Il a battu le gardien belge, 2-2. Et en fin de match, les Belges ont marqué Dani. On a eu la VAR, la reprise avait hors-jeu à 3 minutes de la fin. La Belgique a repris les devants 3-2. Le but a été refusé. On a fait des contre-attaques et la France a marqué et a remporté le match. Tout qu'un match, la victoire de 3-2. Et là, le match final, donc dimanche, va être très intéressant. Donc France-Espagne. On fait un match de consolation que je trouve qu'il n'y a pas trop rapport là, OK. entre l'Italie et la Belgique, là, mais en tout cas. Mais fait que ça va être intéressant à regarder ça. Donc, tu vois, c'est une compétition qui a été créée. Qui, à mon avis, n'a pas trop rapport. C'est encore des coups et des sous, mais l'histoire de la Ligue des Nations, c'est de regrouper des nations de même niveau dans différentes catégories. OK. Est-ce que la France prend ça pour. Est-ce que les joueurs prennent ça, les équipes prennent ça au sérieux? Comme la Ben, les France, quatre. Benzema Ben oui. es-tu là? Ouais, Mbappé es-tu c'est les. là? Ben Ceux-là oui. qu'on a vus à l'Euro, là? C'est l'équipe de France de l'Euro, comme c'était l'équipe italienne de l'Euro, l'équipe espagnole. Peut-être qu'il y a quelques joueurs de blessés dans les championnats, comme N'Golo Kanté, qui est un joueur partant de l'équipe de France, est blessé. Donc, il n'est pas là, mais c'est les meilleurs joueurs là, qui sont tous là. Là. Tu Je trouve sais, ça plate, c'est. mais encore une fois, ben, on peut pas trop chialer parce qu'on a les matchs du Canada, mais je trouve ça plate que ces matchs ne sont pas à TV. Ben, écoute, c'est les Ben, intérêts, baby. Je on sais, les je veux dire. a. Ouais. Le monde du soccer et football, ça vient mêlant. Les gens comprennent pas trop les différentes compétitions puis les Ouais. différents championnats. Il y en a tellement, c'est tellement gros. Ça vient dur à suivre. Comme là, j'ai hâte de voir ce que la FIFA va décider Okay. avec les nations. Est-ce qu'on va s'enligner vers une coupe aux 2 ans? J'espère que non. Ben non, J'espère c'est qu'on parce que va. là, l'euro, il va arriver quoi avec l'euro? Il va arriver quoi? C'est T'sais, ça. il va arriver quoi? Toutes les coupes continentales vont tomber à l'eau à ce moment-là, mais je pense Ouais. pas que ça soit accepté. J'espère que ça passera pas. Mais à voir la suite, là. Mais dimanche, un bon match quand même avec France-Espagne, là. Ça risque d'être très intéressant comme match, là. Nouvelle qui a tombé qui est tombée il y a quelques semaines, parce qu'on a quand même un bout qu'on ne s'est pas parlé, Benoît, mais Oui. le gagnant de l'euro va affronter le gagnant de l'Europa. Ça va être bon, ça. Ben, la Copa América, oui, ça Ouais, veut la dire Copa América. un match Italie contre l'Argentine. En juin Bon, ça va prochain. être. Oui, c'est encore une affaire pour faire vendre, mais c'est de créer un match là, comme ça avait été annoncé. On l'avait parlé un petit peu avant, mais là, ça a l'air que c'est officiel. J'ai hâte de voir comment ça va être un match amical, mais ça va faire vendre des billets, c'est sûr. Puis ce qui est quand même intéressant, le gagnant de l'Euro contre le gagnant de la Copa América, ça va être un bon match. OK. Donc on va y aller maintenant avec du côté de ce que tu voulais me parler. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Je ne sais pas si tu as vu passer. Christine Sinclair fait partie des trois. C'est le Ballon d'Or, les nominés, là. Les 30, ils sont 20. Les filles sont 20. Les OK. filles sont 20 nominées. Il y a 2 autres Canadiennes. Il y a Fleming et j'ai vu passer rapidement. J'espère que Sinclair, je pense qu'elle mériterait là, pour une fin de Ouais. carrière, étant donné. Peut-être qu'elle a, comme joueuse, c'est pas ses meilleures années, mais elle a quand même une médaille d'or olympique et elle a quand même battu le record de tous les temps de début au niveau féminin dans les sélections. Donc, juste par rapport à ces deux éléments-là, je pense qu'elle mériterait de finir sa carrière avec un ballon d'or, France Football. Puis il y a même, pendant que tu me parles de ça, ben Diego, ça a sorti aussi. Ouais. Moi, je verrais peut-être Messi remporter son septième ou huitième, je crois. Il y a Messi, il y a Lewandowski, l'Allemand, le Polonais qui joue pour le Bayern de Munich, qui va être tannant. Lui, il risque d'être dangereux. Il y a le jeune Haaland qui joue pour le Borussia Dortmund, qui est un Norvégien. Alors, j'ai hâte de voir là, qui va sortir. Les Français semblent pousser beaucoup Benzema, mais Benzema, il a remporté, il n'a rien fait à l'Euro. Le Real Madrid, ils ont gagné quoi, le championnat, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va finir dans les finalistes. Là, aujourd'hui, on a sorti la liste des 30 gars et des 20 filles, là. OK. Bon, les filles, puisqu'on parle des filles, il y a un match à Montréal le 26 octobre. Un match à Montréal. Donc, c'est un programme double parce qu'ils vont jouer quelques jours avant à Ottawa. OK? Ils vont jouer contre la Nouvelle-Zélande. Je pense quoi, c'est des matchs amicaux. Et en même temps, le match à Montréal, écoute, pour souligner la médaille d'or olympique, c'est quand même, j'espère que. Mais ce qui est plate, c'est que c'est un mardi soir. Moi, j'aurais aimé ça aller voir ce match-là. Mais c'est un mardi Es-tu vacciné? soir. As-tu le droit? Parce que c'est la grande question au Québec. Oui, Es-tu vacciné? j'ai le OK. droit. Mais, oui, j'ai T'es né par, de deux ou OK, c'est bon. Moi, j'aurais par pas le rapport droit. à par rapport à l'école, par rapport à mes écoles, puis tout ça, puis OK. c'était moins Parce que c'est la compliqué, là, grande mais question. je suis pas pour le passeport, je suis pas pour le passeport vaccinal, mais j'ai mes vaccins. OK, bon. OK, on va y aller maintenant avec le CF, l'Impact slash CF Montréal. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux autres, là? Moi, Ben, je qu'est-ce qui suis se plus passe? pantoute. Je me dis en affaire, là, depuis l'année passée, là, Ouais, c'est sûr à que mener du temps. c'est un petit peu décevant, toute l'histoire de la zone 132, l'histoire des ultras. Je ne sais Jean-Manon, pas qu'est-ce qui se passe. J'ai vu le passer fait de qu'ils se quoi. foutent de nous autres, J'ai gars. vu des. J'ai vu bi passer des billets aujourd'hui à 25 $. Est-ce que c'est pour remplir cette zone-là? Est-ce que la zone des ultras va Ben tomber moi, dans l'anonymat aussi? On n'entend plus parler non plus de j'ai ça, le là. 91-9, je voulais en parler à Alexis Gagnon-Goulet la fois quand je l'ai interviewé. 91-9, Danny, sont collés avec le club, Ouais, oublie mais c'est ça. parce qu'il y aurait. Ouais, laisse-moi finir. Il y aurait. Louis-Philippe Guy disait qu'il y aurait un groupe qui se serait monté pour. Qui remplacerait les Ultras, mais qui serait pro-CF. Ah oui, c'est ça. Il va avoir des champions comme ça, Danny, là, c'est sûr, là. À cette heure qu'ils sont partis, là, c'est clair, il va y avoir d'autres choses, là. Mais je veux dire, au 91-9, ils sont collés. C'est la radio officielle du club. Ben ouais. C'est normal. Puis Brett, Brett est dingue. Ah ouais. il couche avec eux. Donc, c'est un peu eux qui l'ont mis là. C'est bien correct. Il fait un bon travail, mais c'est ça pareil. Maintenant, au niveau du club, bon, ils ont une belle saison, ils ont une belle équipe quand même. Ben oui, Ils Wilfried sont Nancy, je suis en. pas ça, Oui, mais Wilfried Wilfried. Nancy a une très belle saison. Les experts de la MLS les mettaient derniers Ah ouais. dans la section S. Là, on est en septième place, mais le classement entre la troisième et la neuvième place, il y a 5 points ou 4 points de différence. Il y a quatre équipes à 40 points, ils sont à 2 points de la troisième place. Ça veut dire que donc, sur 6 matchs à jouer, il faudrait au moins en gagner 3 sur 6, d'après moi, là, puis peut-être une nulle avec ça, j'ai hâte de voir. Donc là, on est en pause jusqu'au 16 octobre contre Philadelphie, le retour sera contre Philadelphie. Et on a aussi gagné la demi-finale du championnat canadien contre Hamilton. On a perdu le match ne se jouera pas à Montréal. Ils ont perdu au sort, c'est une drôle d'affaire. Donc ça va jouer à Hamilton. On sait qu'Hamilton est une équipe de la CPL, donc on va avoir un match intéressant à voir. Et de l'autre côté, on a Toronto La contre le. CPL en passant, c'est quoi? C'est-tu plus fort que. Ben, pas fort que la MLS, c'est sûr, Ah non, je la connais, la CPL. Là. Je connais le soccer. Je suis plus l'Impact, mais j'essaie de suivre. Je suis soccer pareil. Là. La là. Ben, CPL, ici. c'est-tu plus fort que, je dirais, la United States, la USL? Tu sais, c'est quoi la USL, la deuxième Ben, ligue? oui, je dirais pas plus fort, là, parce qu'il y a des bons joueurs dans cette ligue-là aussi. Mais quand tu vas faire un match, c'est dur à évaluer plus fort ou moins Ouais. fort. Mais si tu regardes les profils des joueurs, il y a beaucoup de joueurs de l'académie qui ont passé par l'Impact, qui se sont retrouvés là, sans contrat. Des Maxime Tissot, il y a plusieurs joueurs. Chouanière, le frère à David Chouanière, Mathieu Chouanière, David Chouanière, il joue là-dedans aussi. Tu sais, il y a des. Il y a d'autres joueurs que je ne nomme pas, que je connais moins. Gagnon Lapéry, qui a joué justement contre Montréal lors du dernier match. Mais c'est-tu en demi, non, en demi-finale, on va jouer contre lui, je crois, en tout cas. Fait qu'il y a, non, ils ont joué contre lui en quart de finale. Fait qu'il y a, il y a des anciens joueurs de l'Impact qui sont là. Mais il y a un petit peu de Sud-Américains aussi. Mais je peux pas te dire par rapport à la ligue que tu parles Ben, aux c'est parce qu'il y États-Unis, avait, il y là, a des c'est matchs, le même niveau. il y avait One Soccer, c'est sur One Soccer les matchs Oui. OK. Bon, en terminant, je veux te parler, je veux te. Mais si avec le Paris Saint-Germain, il se passe quoi avec lui, là? Tu sais, je voulais pas te prendre la culotte à coups, mais tu dois suivre ça, tu suis pas mal tout. Il se passe quoi avec. Oui, Ça va-tu pas ben. payer aussi? Puis Mais Ronaldo avec bon. Manchester United, c'est-tu. Oui, mais si Ronaldo, ça va très bien. Là, ils OK. sont en sélection pour quelques jours pour la pause internationale. Justement, l'Argentine a annulé hier contre le Venezuela, contre le Paraguay 0-0. Donc, les autres sont en classement pour la zone Amérique du Sud pour le Qatar. Le Brésil est premier, puis l'Argentine est deuxième. Pour le Paris Saint-Germain, présentement, on a de la misère encore. Il y a encore de la chimie à faire là, pour que Mbappé et Ben, Neymar, ça se mette à ouais. fonctionner. Là, ils ont remporté un grand match la semaine dernière en Ligue des Champions contre Manchester City, qui a été finaliste l'année passée. Man City avait éliminé le PSG en demi-finale. On se rappelait, Neymar n'était pas là. Mais là, cette année, au match, dans la phase de poule, la phase préliminaire, une victoire de 2-0 sur le premier but de Messi sur une talonnade, une passe arrière de Mbappé, super but. Et quelques jours plus tard, ils sont allés jouer à Rennes, un club français, et ils se sont fait surprendre 2-0. Messi a encore pas réussi à marquer. Messi n'a pas encore un but en championnat. Il a marqué en Ligue des Champions, mais d'après moi, c'est une question de temps là, avec Messi, Neymar et Mbappé. Il y a tellement de vedettes et de stars dans cette équipe-là que ça va lever à un moment donné, mais il reste encore du travail à faire. Mais là, regarde, ils sont sur le break, ils doivent partir en sélection avec l'Argentine, avec leur pays, et revenir par la suite. Mais j'ai confiance que ces trois-là, parce que Mbappé a manqué partir au Real Madrid, il a décidé de rester. Ben, il n'a pas décidé, le club n'a pas voulu. Le PSG a refusé une offre de 180 millions Ouais. du Real Madrid. Ça veut dire, mais. C'est là que tu vois que quelque part, comment ils veulent la Ligue des Champions. C'est ça, Mais tu exactement, sais. exactement. Puis du côté de Ronaldo, ben Ronaldo il va très bien avec le club de Manchester United, qui est en deuxième position. On a un beau championnat en première ligue présentement, là, avec Chelsea qui est en tête. Chelsea qui ont gagné la Ligue des Champions l'année passée. Manchester City, Manchester United et Liverpool, là, ça va être intéressant, ces quatre clubs-là cette année, là, à voir le championnat anglais. Donc là, on est en pause championnat, mais du côté de la France, le Paris Saint-Germain avait aucune défaite encore. Donc on avait 8 victoires consécutives. Des victoires serrées à l'arraché en fin de match, là, mais le PSG, ça devrait être facile. C'est la Ligue d'Espagne qui Ouais, mais. en ayant perdu Messi, le Bizarre. Barcelone a beaucoup de misère. Ouais. Griezmann est retourné avec l'Atlético Madrid. Donc, en Espagne, ça risque de changer le championnat un petit peu, là. Effectivement, c'est ça. Ben, tour intéressant, Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au 5-Saint-Jean. Salut, Benoît. Salut, Danny. Puis, dernier point, avant de te parler, avant de te saluer, la région va recevoir la Coupe 2A l'année prochaine. Il va y avoir pas loin de la Coupe provinciale 2A. Ça va être à Alma, dans le cadre des 50e anniversaires de l'ARS, au-dessus de 15 à 1600 joueurs qui vont descendre à Alma sur les terrains des plaines. Hey, Dolbeau, je voulais te rejoindre. T'as vu qu'on avait un gazon synthétique qui s'en vient? Patrick Topano, c'est le bon gars Ouais, à parler. non, je sais, mais c'est parce que je voulais parler avec le maire, mais ça va faire progresser terriblement le soccer dans le coin. C'est un gazon synthétique? Ça devrait, ça devrait. Ouais. Oui. OK. Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence soccer au 500. Merci beaucoup pour sa part.